Chapitre 321. L'interdiction de dire, par exemple, « maître » à un homme sans moralité ou à un innovateur en religion. 1725. D'après Buraïda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne dites pas maître à l'hypocrite, car si c'est ainsi que vous le considérez, vous vous attirerez la colère d'Allah azza wa jal. » Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques.